France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dans la galerie des photographies des temps pionniers du rock'n'roll, rares sont les visages féminins, comme celui de Wanda Jackson, affiché à côté de ceux d'Elvis, de Gene Vincent, d'Eddie Cochrane et autres Jerry Lee Lewis. D'une manière générale, le monde du rock'n'roll, qu'il soit psychédélique, hard, glam, punk ou grunge, est depuis resté majoritairement un territoire masculin, même si quelques-unes, comme Janis Joplin, Marianne Faithfull, Tina Turner ou Patti Smith, et tout de même quelques autres, ont marqué l'histoire. En 1988, cette histoire des femmes dans la rock music, comme elle l'avait fait dans son livre « Le rock au féminin », Marjorie Alessandrini l'a racontait au micro de Jeanne-Martine Vacher dans Opus. Une émission dans laquelle l'ex-bassiste de Téléphone et membre alors des Visiteurs, Corinne Marieno, racontait, elle, sa propre expérience de musicienne ayant vécu l'aventure d'un groupe de rock à succès. Opus, Rockeuse, une émission diffusée la première fois le 29 mars 1988 sur France Culture. Été un peu, je sais pas, le club des cinq, quoi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah ouais, il y a un château à découvrir. Bon, bah allez, on y va, hop, tu vois. Et bon, j'étais danseuse comme ça. J'ai rencontré des gens, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, on fait donc deux claquettes, super, allez, on y va. Après, c'était, bon, bah on fait un groupe de rock. Ah ouais, bon, super, on y va, tu vois. C'est tout. Au départ, c'est vraiment un élan comme ça. Combien on est? Ah bon, on est 4, allez, on y va. Combien on est? On est 12, bon, ah. Qui veut venir? Oui, ça y est, tout le monde est là, allez, on y va. Effectivement, moi, cette simplicité que j'avais de dire je suis un individu parmi d'autres individus, on a un truc à faire, on y va, sans se poser de questions, de savoir si t'as une caquette ou si t'en as pas, tu vois, c'est ce qui est vraiment pas le propos. Et bah, cette simplicité que j'avais en faisant les choses, les gens en me regardant ne l'avaient pas. Dans les années 50, le rock'n'roll explose comme une enclave de liberté où peut se chanter, se crier, une rage à vivre, une violence revendiquée. Mais le rock'n'roll explose surtout comme une sorte de métaphore du sexe. Un des standards repris du blues par de nombreux groupes était à l'époque « I am a man », « Je suis un homme ». Une métaphore du sexe donc, mais un sexe essentiellement masculin. Quelle sera la place des femmes dans cet univers-là? C'est une longue histoire, une histoire qui va se raconter à plusieurs voix. Tout d'abord celle de Marjorie Alessandrini, auteure d'un livre, Le rock au féminin, une saga des rockeuses. Et puis Corinne Marieno, bassiste du groupe Téléphone et actuellement du groupe Les Visiteurs. Et puis les voix parlées, chantées de toutes les autres, toutes celles qui ont donné réalité, chair à cette histoire. Nous nous attarderons plus longuement sur les pionnières, toutes celles qui, les unes après les autres, ont apporté de nouvelles images et chaque fois, une nouvelle façon de s'approprier cette musique. Hey la, my boyfriend. Au départ, on a beaucoup dit par exemple que le succès des Beatles avait été un succès grâce aux filles, bon, le succès d'Elvis aussi, mais je crois que c'est très important, le rock s'est beaucoup adressé aux filles, c'est elles qui faisaient le gros du public, et on a tous dans la mémoire ces images complètement folles des concerts des Beatles, où on voyait les quatre de Liverpool sur la scène, en train de jouer quelque chose qui était absolument inaudible, puisque tout était couvert par les cris des filles. Les filles crient beaucoup aux origines de cette musique-là. C'est très très étonnant, parce qu'on a cette image de filles en chaleur, on peut dire, parce que c'était comme ça. Les années 60, c'est des années où il s'est passé peut-être une chose nouvelle, c'est que des filles qui étaient peut-être opprimées dans leur vie personnelle, dans leur vie sexuelle, sentaient qu'elles avaient besoin de quelque chose. Et tout ce qui s'est passé, une musique par exemple, une musique électrifiée qui leur apportait quelque chose de nouveau, les a fait réagir de cette façon. Et elles sont, je pense, tout à fait à l'origine du succès de cette musique. Alors, elles sont le public, elles sont aussi, évidemment, le contenu, parce que les chansons parlent d'elles, forcément, tout le temps. On parle, pourquoi on fait du rock? On fait du rock pour parler de sa vie quotidienne. Et qu'est-ce qu'il y a dans la vie quotidienne? C'est, les petites romances de 4 sous, c'est l'amour, le sexe, etc., etc. C'est une obsession constante. Prêter beaucoup d'attention à la fois à ce qu'elles disent et en même temps aux voix. Les voix, c'est très intéressant parce que c'est souvent des voix, à quelques exceptions près, sont des voix féminines, ravissantes, souvent des chœurs. On a beaucoup de groupes de filles qui souvent s'inspirent d'ailleurs des groupes noirs et tout un travail qui a commencé une musique populaire noire. C'est des voix qui sont extrêmement féminines, douces, harmonieuses et qui chantent des choses tout à fait séduisantes, dans une espèce de séduction un petit peu enfantine, adolescente. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas être une menace, elles ne vont pas être sexy d'une manière agressive, elles ne vont pas non plus être violentes comme peut l'être le rock de Presley. Évidemment, avec quelques exceptions, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais la majorité de ces chansons sont des... c'est un petit peu des poupées qu'on met sur le devant de la scène. Elles ont les cheveux gonflés et crêpés, elles ont des jupes fendues, mais d'une manière sympathique et rigolote. C'est un peu comme les cheerleaders qui accompagnent les gens du football américain. Dans les high schools, il y a les gens qui jouent au foot et les filles qui tournent autour, qui sont là, qui poussent des cris, qui sont là pour être jolies et pour plaire, en fait. Il s'agit de plaire. He sort of smiled and kissed me goodbye. The tears were beginning to show. As he drove away on that rainy night, I begged him to go slow. And what he heard, I'll never know. I felt so helpless, what could I do? Remembering all the things we've been through. In school they all stop and stare. I can't have her tears, but I don't care. I'll never forget him, the leader of the pack. Le commencement, c'est en 1965, par là, quand à la radio, j'ai commencé à entendre les chansons des Stones et des Beatles, où ça sonnait pas pareil que le reste, quoi. Ça sonnait pas comme Claude François, ça sonnait pas comme Georges Brassens. Il y avait des mots, même sans écouter les paroles, il y avait des mots, bon, comme Satisfaction, par exemple, où pendant des années, j'ai cru que c'était une chanson où le mec disait qu'il était très content. Et en fait, toute la chanson dit « j'arrive pas à être content ». Mais ça fait rien, c'était des mots comme ça qui sonnaient et qui donnaient des images dans la tête, avec une musique tellement puissante que ça t'obligeait à réagir. Et en fait, moi, tout de suite, j'ai pris le rock comme une espèce d'électrochoc, tu vois. Et d'ailleurs, après, j'ai vu que dans une interview des Who, le leader intellectuel qui était en fait le guitariste Pete Townshend, expliquait qu'il jouait très, très, très, très fort. Les Who jouaient très fort. Hein, ça a été les premiers punks, en fait. Ils jouaient très fort parce que les gens étaient sourds. Intellectuellement, ils étaient tellement asservis, tellement débiles qu'ils étaient sourds. Il fallait leur en foutre plein la gueule, ça, même pas pour qu'ils comprennent parce que c'était trop fort pour comprendre, mais déjà pour faire un électrochoc. On July the 2nd, 1953, I was serving time in Tehachapi. 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow and I heard somebody yell. There's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. The trouble all started up in cell block number 4. Spread like fire across the prison floor. Warden came in with a big Tommy gun. Bang, bang, bang. Trying to stop my gun, but there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. With your hands up in the air, you don't stop this riot, you all gonna get the chair. Two gun Matilda said it's too late to quit. Pass the dynamite, Molly, 'cause man, this is a hit. There's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. Militia to help them win the fight. Drove up to the prison in the middle of the night. Each and every trooper, he looked so tall and fine. All the chicks went crazy up in cell block number 9. Now there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. Wanda Jackson. Je me rappelle plus qui c'est. C'est vrai. J'ai honte. Wanda Jackson, c'est une fille tout à fait extraordinaire qui est peut-être finalement une des rares rockeuses et qui est de cette époque-là et qui est très intéressante parce qu'en plus, elle fait partie de toute cette famille rock qui a été sur le label Capitol, qui avait notamment Gene Vincent et les Blue Caps, et qui regroupait toute une série d'excellents musiciens, qui sont souvent les musiciens qui jouent avec Gene Vincent, qui jouent avec d'autres, qu'on retrouve dans toutes les sessions, et qui souvent d'ailleurs jouent derrière Wanda Jackson, et ce qui fait qu'il y a des choses qui sont tout à fait superbes. Et bon, Wanda Jackson, c'était une fille... qui avait rien de vraiment extraordinaire, je pense, mais qui a une voix qui tranche sur les voix qu'on entend en général à cette époque-là sur les radios, qui sont les voix charmeuses. Elle a un côté un peu rentre-dedans, très fort. Elle a une espèce d'énergie. Et c'est une fille qui a commencé par chanter du country, qui est un peu d'une certaine manière aussi aux origines du rock. et qui a d'ailleurs, après sa période rock, elle est retournée au country. Maintenant, c'est quelqu'un qui tourne régulièrement. Elle a une espèce, d'ailleurs, elle a une espèce de phrasé qui est ce phrasé un peu nasillard du country, enfin, qu'on retrouve chez tous les gens qui sont, tous les gens du country rock ont cette espèce de côté, oui, c'est ça, nasillard. Enfin, je crois qu'on peut pas le dire autrement, même si ça a l'air un petit peu péjoratif. Et qu'on retrouve d'ailleurs dans la façon dont elle chante. Elle a un côté très, très impressionnant. Alors, elle chante des chansons genre Riot in Cell Block No. 9, des choses qui sont tout à fait bizarres dans la voix d'une fille pour cette époque. Et c'est très fort ce qu'elle arrive à faire. Je pense qu'elle a été une vraie rockeuse. Bon, peut-être, je pense que ça ne l'intéressait pas vraiment et que son milieu musical, ce n'était pas vraiment ça. Je crois que c'est ça, en fait. C'est quelqu'un qui fait partie de cette Amérique profonde qui est l'Amérique des cow-boys, quand même, de Dallas et tout ça. Dans les années 60, petit à petit, c'est en Angleterre que se déplace notre histoire. C'était une période totalement folle à tous les niveaux. La mode venait de Londres, c'est l'époque des mannequins vedettes extraordinaires, les Joan Shrimpton ou les Twiggy. Enfin, c'était l'époque où Londres lançait les modes à tous les niveaux, c'est-à-dire les modes au niveau vestimentaire, mais aussi au niveau physique, au niveau intellectuel, au niveau de la musique, au niveau de toutes sortes de choses. Dans cette fin des années 60, la figure emblématique, celle qui dans la grande tradition du crossover devait faire un lien entre le rock and roll et le rhythm and blues, c'est Julie Driscoll. Julie Driscoll dite Jules. Tout à fait anglaise, avec son visage d'une délicatesse extrême et cette densité dans la voix qui swing, sa façon si particulière de se déchaîner sur scène, tout en glissement, sans jamais de violence. Un peu de sa voix, parce que cette voix est complètement extraordinaire. Mm-hmm. Bon, c'était le matin. Elle m'a dit, vous auriez mieux fait de venir l'après-midi parce que je ne suis pas matinale. Mais néanmoins, cette voix est complètement extraordinaire. Je vous passe donc un petit extrait de notre entretien. No, I really think I was too pampered and too much money in the city. les stars sont des stéréotypes. Et le rock a été un grand réservoir finalement d'images, de mythes et de stéréotypes, ce qui est tout à fait intéressant, je veux dire, au masculin comme au féminin. Marianne Faithfull, ce qui est très intéressant, c'est que c'était une jeune fille sage et pure, sortant d'un couvent, une fille de bonne famille plutôt, et avec ce côté, cette espèce de merveilleuse transparence que peuvent avoir les Anglaises quelquefois, cette blondeur, cette peau blanche, etc. C'était vraiment l'ingénue typique, on l'imagine bien d'ailleurs dans un film fantastique Victime du vampire. Elle a un côté, d'ailleurs, elle est arrivée, je crois que très vite, son physique, son allure, je crois qu'elle est devenue très facilement une victime. C'était vous dites que c'est un peu la Justine. C'est Justine, oui, oui. D'ailleurs, c'est tout à fait fascinant si on regarde l'histoire des Rolling Stones. À l'époque, autour d'eux, il y avait un certain nombre de femmes qui tournaient. Et il y avait Anita Pallenberg, qui était une créature de feu absolument fantastique et qui pourrait très bien être la Juliette de Sade, tandis que Marianne Faithfull pourrait être la Justine. Il y a ce côté, ces deux personnages tout à fait impressionnants. I feel good. I feel good. Il y a eu des tas de choses, vous savez qu'il y a eu autour des Rolling Stones, qui est un groupe qui a fait scandale à une époque pour des histoires de drogue, des histoires de parties absolument abominables dans des châteaux. Enfin, c'est très sadien tout ça. Et il y a toutes sortes d'histoires qui ont couru sur des viols collectifs dont aurait été victime Marianne Faithfull, victime plus ou moins consentante d'ailleurs. Enfin, il y a toute une espèce d'aura à ce niveau-là qui s'est construite autour d'elle. Bon, il y a peut-être des choses vraies, il y a peut-être des choses totalement mythifiées, mais je crois que à la limite c'est plus très important de savoir ce qui a été la réalité de la vie de Marianne Faithfull au milieu des Rolling Stones, des grands méchants. I feel good. I feel good. Though I know I've done no wrong, I feel good. I feel good. Though I know I've done no wrong, I feel good. I feel bad, so bad. Though I ain't done nothing wrong, I feel bad. Je me sens coupable. Je me sens mal, si mal. Je me sens coupable. I ain't done nothing wrong, I feel bad. I never lied to my lover, but if I did, I would admit it. If I could get away with murder, I'd take my gun and I'd commit it. I never gave to the rich. I never stole from the poor. Thank you. une période dont elle a eu beaucoup de mal à sortir et dont je ne suis pas sûre qu'elle soit réellement sortie. C'est-à-dire que, bon, elle est revenue il y a quelques années avec un disque qui est d'ailleurs un disque absolument magnifique qui s'appelle Broken English, qui est le disque d'une femme brisée qui essaye de reconstruire sa vie et qui a appris des tas de choses terribles et qui devient bon un poète qui se met à bon d'abord dont la voix a considérablement changé. Ça c'est tout à fait extraordinaire de voir la Marianne Faithfull qui par exemple dans Made in USA de Godard chantait It is at the end of the day I like to hear your children play, etc., qui est une très très belle chanson, et puis entendre certaines choses. On sent qu'il y a eu derrière elle certaines choses qu'elle a chantées justement dans Broken English. C'est tout à fait impressionnant. La voix est cassée, elle est devenue rauque, elle n'a plus cette espèce de pureté angélique. Et on sent qu'il y a toujours, la pureté est toujours là, mais elle est cassée, elle est. Elle a acquis une très grande violence, oui. Avec la maturité, une très grande violence, dont elle n'est peut-être pas forcément consciente elle-même. Sa violence, elle ne l'a pas du tout dans la vie, mais elle l'a dans la façon dont elle chante ou dans la façon dont elle articule certains textes. J'ai jamais compté sur, par exemple, les valeurs habituelles du charme féminin pour réussir dans la vie. C'est pareil, c'est pas spécifique à ma manière de faire du rock, c'est spécifique à ma manière d'être depuis toujours. Je sais pas, par exemple, j'ai jamais pu m'épiler les jambes. C'est un truc que j'ai jamais pu faire. Pourtant, à 12 ans, je voyais tout. Et je me disais, oui, c'est vrai, c'est pas très joli le poil aux pattes, mais de là à prendre un rasoir ou une crème pour m'enlever les poils parce que c'est l'image de la femme. Mais je me disais, je ne peux pas le faire. Donc j'ai du poil aux pattes, par exemple. Et je trouve que c'est une bonne image pour expliquer comment je fais ce métier aussi, quoi. C'est un truc, pour moi, qui est, le rock, quand même, si j'arrive encore à en parler un peu, c'est quand même une musique qui a une énorme puissance. Parce qu'elle fait appel à l'énergie, vraiment l'énergie de l'individu à l'intérieur de lui, et à l'âme, tu vois. Et l'énergie et l'âme, pour moi, ça se véhicule pas ni sur des fringues, ni sur avoir du poil aux pattes ou pas, ni sur une manière de bouger les hanches ou une manière de faire des mimiques, tu vois. C'est beaucoup plus imperceptible que ça, c'est beaucoup plus large que ça. Je ne peux pas expliquer quelle image j'essaye d'avoir parce que je n'essaye pas d'en avoir. J'essaye de récolter à l'intérieur de moi tout ce qu'il y a de plus fort et après de trouver une manière pour l'exprimer qui passe par la musique. Et voilà quoi. Le rock'n'roll aime ses images, images construites, images clichés, images symboles. Il a ses égéries, ses épouses, ses mères, ses sirènes et ses déesses. Il fallait bien qu'il eût aussi ses sorcières. La plus belle d'entre elles, la plus honnie, la plus passionnante donc, c'est Yoko Ono. C'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, dans tous les sens du terme, puisque d'abord elle est japonaise, elle vient d'une culture qui est extrêmement différente. Et en plus, c'est quelqu'un qui a tout un passé culturel qui la rend très différente du monde dans lequel elle va arriver avec les Beatles et en rencontrant John Lennon. C'est quelqu'un qui a vécu à New York, qui s'est installé dans un loft de Soho avant que ce soit la mode, et qui a fait des choses bizarres, des happenings, qui a rencontré Ornette Coleman, avec qui elle a fait des concerts, ou des gens comme Lamonté Young, qui a fait des toutes sortes d'expériences un petit peu d'art moderne, qui a fait des films, qui a fait des expositions de peinture, enfin de peinture non, on peut dire d'ailleurs que c'est... ce qu'on appelle maintenant des installations, en fait, dans les galeries du côté de la Bastille, que Coano a pratiqué toutes sortes de choses qui sont maintenant courantes vers la fin des années 60. Comment on peut imaginer qu'elle a autant dérangé ? Oh, elle a dérangé d'abord parce que elle était très différente des filles qu'on mettait en avant à l'époque. Elle était vieille, elle était pas belle, alors qu'il fallait être jeune et jolie et mince, etc. Elle avait pas du tout le physique d'un mannequin. Bien qu'elle ait, elle ait une certaine beauté, mais bon, qui n'est pas du tout la beauté starlette. Elle était plus vieille que John, elle avait une attitude qui déplaisait tout à fait, elle avait ce côté intello qui dérangeait, elle avait un côté assez agressif, et pour parachever le tout, elle était finalement la première des féministes, puisque c'est la première qui s'est mise à chanter des choses comme « Woman is the nigger of the world », ou bon, des choses extrêmement... Bon, en plus, c'était pas du tout une chanteuse, c'est-à-dire qu'elle s'est mise à dire ce qu'elle avait à dire de manière qui était extrêmement bizarre et dérangeante, c'est-à-dire avec des cris, avec des vocalisations qui correspondaient à rien de ce qu'on avait entendu dans cette musique-là, évidemment, puisqu'elle a rien inventé. Il y a d'autres gens qui avaient fait ça avant elle, mais dans des contextes totalement différents. Et c'est là d'ailleurs où personnellement je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante. C'est dans ce qu'elle a apporté au niveau d'une vocalisation dans le rock qui était à ce moment-là inconnue. Et la façon dont les instruments électriques peuvent être associés à une espèce de travail sur la voix qui est très limite, c'est-à-dire pousser la voix jusqu'à ses extrêmes limites, c'est tout à fait intéressant. Personnellement, je suis beaucoup moins convaincue quand elle chante réellement, parce que je trouve que c'est pas une vraie chanteuse, mais c'est intéressant aussi à cause de ce qu'elle a à raconter. Ce qu'on lui a le plus reproché, qu'on lui a d'ailleurs pas pardonné du tout, c'est en fait l'attitude de John Lennon, qu'il a énormément mise en vedette. Je pense que si elle était restée dans l'ombre, si elle avait joué un rôle important, mais en respectant un petit peu les formes et en restant quelqu'un de secondaire, ça serait peut-être pas passé de la même façon. Mais le fait que John Lennon l'ait beaucoup mise en avant, comme finalement beaucoup plus... Il l'a mise d'abord sur le même plan que lui, mais ça avait l'air d'être la mettre sur un plan supérieur. Le fait d'avoir appelé son groupe le Plastic Ono Band, le fait d'aimer pas le John Lennon, je ne sais quoi, je crois que c'est ça surtout qui a fait très très mal, c'était qu'il la faisait apparaître comme un leader. Et je crois qu'évidemment, on lui a reproché d'avoir détruit John Lennon, ce qui est une façon de voir les choses. L'histoire des femmes dans le rock'n'roll est étroitement liée à l'histoire des groupes et aux places diverses qu'elles vont y occuper. Si, au début de cette histoire, les femmes instrumentistes sont rares, à l'exception de l'étonnante batteuse du Velvet Underground, Marianne Tucker, les chanteuses, les auteurs, les compositrices trouvent petit à petit leur place. La première qui marque vraiment une étape nouvelle, c'est Grace Slick, du Jefferson Airplane. C'est un personnage complètement central de cette époque qui en est venu à représenter quelque chose de très fort. C'est tout à fait une émanation de San Francisco à une certaine époque. Et Grace Slick, enfin les deux personnages qui deviennent essentiels à cette époque, c'est Grace Slick et puis évidemment Janis Joplin. Qui, l'une et l'autre d'ailleurs, sont un petit peu des sacrifiés de cette époque. Bon, Janis Joplin, évidemment, on comprend pourquoi. Mais je pense Grace Slick aussi. Je pense qu'elle ne s'est jamais remise de ce qu'elle a représenté à une époque. Elle a été un petit peu le porte-drapeau de tout un mouvement de contestation. et qui allait très très loin, qui était justement lié à une recherche sur soi, à une plongée intérieure. Bon, Grace Leake chantait des chansons qui étaient très visiblement inspirées par les voyages au LSD qui étaient présentés par beaucoup de gens à l'époque comme un moyen de se libérer mentalement, etc. Je pense que elle est peut-être allée un petit peu trop loin dans cette façon d'exister. C'est quelqu'un qui se situe donc dans un groupe aussi, quand même. Oui, hein, dans absolument. Mais qui est à la fois dans le groupe et en même temps marginale dans le groupe, dans la mesure où c'est la fille du groupe. Et alors, elle ne se dit pas chanteuse, au fond. Elle a une autre façon de parler d'elle. Elle dit qu'elle est entertainer. Entertainer, c'est celui qui fait le spectacle, en fait. En gros, c'est ça. C'est-à-dire, c'est celui qui établit une relation privilégiée avec le public et qui, finalement, fait passer... qui est l'intermédiaire, la figure charismatique, la... C'est une image féminine quand même assez bizarre, ce côté grande pitié délivrant des oracles, ce côté sorcière qui délivre une espèce de message. Qu'est-ce qu'elle a apporté sur le plan du chant et de ce qu'elle était ? Sur le plan purement scénique, c'est difficile de dire parce que le côté... La scène pour le Jefferson Airplane, comme pour beaucoup de groupes de l'époque, Grateful Dead, etc., c'était la création d'une espèce d'environnement total avec des lumières, des light shows. Alors en général, je crois qu'on a quelques films d'ailleurs sur le Jefferson Airplane dans les concerts à San Francisco à cette époque. Les soirées les plus réussies, c'est des soirées où tout se passe dans des light shows absolument extraordinaires et où on voit pas grand-chose, on voit finalement pas qui est qui, mais on a une sorte de magma sonore qui se dégage et au-dessus duquel d'ailleurs plane la voix qui est très très mise en valeur. Mais là, il y a cette espèce d'énergie qui est très très forte et que dégageait Grace Leake. You je tiens énormément à l'image de groupe et que je ne ferai pas ce métier solo, jamais. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne fais ce métier que dans des groupes. C'est très, très important aussi. C'est parce que c'est une manière de montrer que tu dois cultiver ton énergie individuelle, mais tu dois la cultiver pour la mettre avec d'autres énergies et en faire une bonne grosse boule là, que tu lances après. Ça aussi, pour moi, c'est primordial. Il faut trouver cette puissance et une manière de l'exprimer en n'étant pas spécialement solo et en étant dans un groupe comme ça, et que cette puissance se mêle à la puissance des hommes et ne fasse plus qu'une seule puissance asexuée. It's fantastic. I was across the river at the Pelican Club last night. Never had more fun in my life. Do you think there's except sometimes in California I have more fun. Hold on, but do you plan to come back, sir? Oh, I have no immediate plans. Did you entertain in high school at the high school when you were Janis Joplin, la plus somptueuse, la plus mythique. Janis, l'anti-mannequin, qui va pourtant incarner sur scène la sexualité féminine la plus vivante, la plus violente. Janis qui se raconte ainsi. Tout ce que j'attendais de la vie, c'était d'être une beatnik, rencontrer des gens, me défoncer, baiser, prendre mon pied. Et puis tout d'un coup, on m'a jeté dans un groupe rock, on a jeté ces musiciens vers moi, et le son me prenait par derrière, et la basse fonçait sur moi. Et alors j'ai décidé que c'était ça, que je n'avais jamais eu envie de faire autre chose que ça. C'était meilleur que tout ce que j'avais pu connaître avec aucun homme. C'est peut-être ça le problème. Count your fingers. What else is there to do? Sur scène, Janis chante, hurle, râle, se déchaîne, elle se donne absolument tout entière. Entre deux morceaux de violence désespérée, de flamboyante démesure, Janis chauffe amoureusement de ses deux mains un verre d'alcool qu'elle vide d'un trait. Superbement impudique, avec de grands moments de vulgarité transcendés par l'humour et des instants d'une sombre grandeur, on devine ce qu'elle sera après le show, brisée, effondrée, affaissée sur une banquette éventrée, dans la lumière crue des backstage, le visage tragiquement décomposé, les deux mains crispées sur une bouteille de bourbon. Janis la reine, Janis la sorcière inspirée, Janis qui porte dans son chant et dans le mouvement de ses hanches le génie d'une époque. Janis n'est plus que cette femme vieillie avant l'âge, épuisée et bouffie par l'alcool, cramponnée au flacon des ivresses à bon marché. Janis Joplin, qui était aussi cette douceur infinie avec laquelle elle chante pour elle-même peut-être. My little girl blue. Right back down. I want you to count. Nico. Eh ben c'est tout ce côté faut aller au fond du morbide pour voir si c'est bien, alors que dès le départ on sait que c'est pas bien, faut quand même pas se leurrer quoi. Donc non, j'aime pas. La galerie de portraits qu'on est en train de parcourir, c'est, je pense, un de mes personnages préférés. C'est une femme tout à fait extraordinaire, dont la vie et la trajectoire sont assez exemplaires, je crois. Et elle a commencé comme une femme objet idéale des années 60, puisque c'était un mannequin vedette très célèbre. À l'époque, elle était blonde, très mince, très grande et très belle. Et c'était une Allemande qui posait pour elle. Elle s'inscrit tout à fait dans la mythologie de l'époque, où les héros de l'époque, c'est le photographe de mode, comme dans le blow-up d'Antonioni, et puis la cover girl. Il y avait d'ailleurs un film à l'époque qui s'appelait Cover Girl. Nico, à New York, est arrivé comme une espèce de star parmi tous les gens des milieux un peu branchés de l'époque. Et elle a fait son entrée dans le monde d'Andy Warhol, qui est quelque chose de tout à fait fascinant. Cet endroit où sont passés tous les gens qui ont été importants à cette époque-là. Quand Nico a commencé à chanter avec le Velvet Underground, elle a tout de suite eu quelque chose de vraiment très intéressant. D'abord parce qu'elle avait une voix extrêmement grave et une voix extrêmement à la fois grave, bien timbrée et puis surtout avec une espèce de sérénité. C'est-à-dire on sent pas dans sa voix du tout de violence, comme par exemple dans le chant de Janis Joplin, et une manière de faire percevoir des nuances plutôt que des cris. Et c'est tout à fait intéressant. Et ce qui est intéressant avec Nico, c'est qu'aussi c'est un peu un poète, mais un poète d'un genre un peu spécial. C'est la mort, c'est vrai. Elle a ce côté extrêmement... impressionnant, c'est-à-dire la mort peut-être parce qu'elle a traversé, parce que d'une manière tout à fait différente de Janis Joplin, elle est allée elle aussi vers des expériences limites, elle est allée au bout de certaines choses, dans sa manière de vivre avec les autres, dans ses amours mouvementés, l'expérience peut-être de la drogue, de l'alcool, etc. Il y a tout un côté... qui est tout à fait... c'est aussi quelqu'un qui est toujours allé jusqu'au bout. Quand on la voit aujourd'hui, c'est d'une certaine façon un petit peu triste, parce que cette femme qui a été d'une beauté absolument complètement bouleversante, elle est pas jeune, mais elle est pire que pas jeune. C'est-à-dire, elle est un peu bouffie, on voit qu'elle a abusé de l'alcool, donc elle a grossi, elle s'est pas occupée d'elle. En fait, on a l'impression que d'une certaine façon, elle a été extrêmement dure avec elle-même, que peut-être elle s'aimait pas vraiment. C'est difficile à dire. Mais alors justement, ça me fait penser à une chose que vous dites sur elle et qui est intéressante après avoir parlé de Joplin, c'est que vous dites que c'est quelqu'un qui dissimulait son corps. Oui, elle a commencé, c'est-à-dire, au début, elle ne le dissimulait pas, puisqu'elle le montrait, ouais. C'était même en le montrant et en le faisant photographier qu'elle vivait. Mais c'est vrai que petit à petit, elle dissimule son corps, et finalement, c'est un personnage tout à fait intéressant, parce qu'on a l'impression que ce qui l'intéresse, c'est une sorte de but spirituel et tout ce qui est qui peut être atteint au prix même de la déchéance matérielle. Il y a une espèce de besoin de spiritualité, de quelque chose qui est vraiment très très fort. Philippe Garrel l'a très très bien filmé, il l'a montré justement comme un personnage porté par une espèce de force spirituelle. Et il y a de très très beaux films où on voit Nico filmé par Garrel, et c'est très très beau. With us, come on, babe, take a chance with us. C'est vraiment d'aller à fond, mais à fond, c'est pas la destruction. Et je crois que c'est grâce aux erreurs qu'ont fait mes prédécesseurs, c'est-à-dire Janis Joplin, Jimi Hendrix, ils sont tous morts, ils ont tous brûlé comme des cinglés, et c'est peut-être pas vraiment ce qu'ils voulaient au départ. Ils ont été pris dans une espèce de tourbillon où ils étaient vraiment des pionniers, des précurseurs, et ils ont fait un peu les frais de tout ça. Et nous, on est arrivés quand même 10 ans après. Et si tu veux, eux, c'était vraiment, ils étaient dans la jungle avec les machettes à faire le chemin, tu vois. Et nous, on est arrivés, il y avait des panneaux partout quand même. Il y avait à droite, à gauche, attention à la dope, attention aux femmes, attention au blé, aux histoires de fric, attention au show business. Tu vois, on avait des panneaux indicateurs partout, dont moi, j'ai bien profité. Moi, je refuse de me dire... Il faut aller au fond de la souffrance et de la destruction pour créer. Je refuse de marcher dans cette combine. Je refuse absolument. Alors peut-être ça fera que je serai jamais quelqu'un de phénoménal, mais c'est pas important. Comme je te dis, je suis pas persuadée que ce soit important d'être phénoménal. Thank you. en 68 par mon pote. Par jeune. Je signe où, tu crois? Là, à côté du commissaire? Ouais. Ouais, si tu veux. Voilà. Je te remercie quand même. Il est où, Louis? Combien t'as eu? J'ai eu un. Non, c'est vrai? Je signe pas. Mais c'est pas à cause de toi, alors. Ça a été le plus dur. Le phénomène groupie, pour moi, ça a été le plus dur à encaisser. Parce que, justement, c'était des femmes qui représentaient exactement le contraire de ce que je voulais voir chez une femme. C'est-à-dire qui utilisaient le charme féminin dans toute son horreur. Alors t'imagines quand j'ai vu les groupies débarquer dans les loges, ça a été le plus dur. Puis en plus, j'avais pas, tu sais, quand on vieillit, on acquiert un peu de patience et de tolérance. Et au début, j'avais pas ni patience ni tolérance. Et ça pouvait me rendre violente même. Enfin, je les virais, quoi. Je leur disais, fous le camp, tu me dégoûtes, dégage. Et les garçons, je les insultais. Je disais, mais putain, c'est pas vrai, ça. C'est quoi ces rapports-là? Je suis une vedette. Je suis sur mon piédestal et en bas, là, il y a la troupe de... C'était le harem, quoi, tu vois. La troupe qui est prête à tout, pour se faire sauter une fois par la vedette. Et ça a été très, très dur à vivre. Et oui, les femmes dans le rock'n'roll, ce sont aussi les groupies. Ces femmes dont Jimi Hendrix disait « Elles nous emmènent partout, nous lavent nos chaussettes et essaient de rendre notre séjour agréable parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas nous avoir à elles pour toujours. » Alors les groupies, il y en a de toutes sortes. Il y a celles qui mettent en rage Corinne Mariano. Il y a celles qui se sont fait une gloire d'être groupies, comme la fameuse Suzy Cream Cheese, qui était la groupie préférée de Frank Zappa. Et puis enfin, il y a une dernière catégorie, les groupies de génie, les plus rares, des artistes, véritablement. C'est des jeunes filles absolument remarquables et étonnantes qui collectionnaient les moulages en plâtre du sexe des stars qu'elles aimaient. Et donc, elles habitaient Chicago, c'était les Plaster Casters of Chicago, et il leur arrivait de suivre des groupes, mais au début, elles travaillaient uniquement sur Chicago, et quand une star arrivait en ville, aussitôt, ils recevaient la visite des Plaster Casters, très femmes d'affaires, avec leur petit attaché case, avec tout ce qu'il fallait pour faire leur petit moulage. C'est typiquement, je pense d'abord que c'est très très américain, c'est une forme de démesure et de manière finalement de jouer avec la dérision qui est et de prendre les choses très au sérieux en même temps, qui est très américaine, qu'on imagine mal ici. Et en même temps, ça correspond tout à fait à une époque du rock où ça répondait forcément à ce côté extrêmement phallique du rock et de toute la symbolique rock d'une époque. Come on, baby, let's get on. Blasters Casters, active collectionneuse, à Tina Turner qui fait de la scène de rock'n'roll le grand théâtre du sexe sublimé, le pas était aisé à franchir. On arrive avec Tina Turner à une femme noire qu'on offre en pâture à un public blanc, et le public blanc est très content, il leur demande, il trouve ça magnifique. On s'aperçoit qu'elle incarne elle aussi une espèce de vieux cliché qui est un stéréotype, qui est celui de, disons, la pute noire qu'on offre comme ça aux blancs. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle a toujours joué, elle a pratiquement toujours joué pour des publics blancs, et notamment, elle a eu un énorme succès grâce aux Rolling Stones qui avaient mis en première partie de leur show Ike et Tina Turner. Parce que ce n'était pas Tina Turner, évidemment, c'était Ike et Tina. Ike jouant le rôle du macro qui exhibe la femme. Qui en fait est son gagne-pain. Enfin, il y avait une manière extrêmement bizarre et sans ambiguïté du tout de présenter Tina Turner sur la scène. Et les relations entre Ike et Tina, qu'elle a très bien racontées d'ailleurs récemment dans un livre qui a eu un très gros succès aux États-Unis, sont tout à fait exemplaires et tout à fait symptomatiques d'une certaine situation des femmes noires aux États-Unis. Vous dites aussi que c'est la première qui, justement, sur ce plan de la sexualité, est allée jusqu'au bout des images, je dirais, les plus premiers degrés, c'est-à-dire du côté phallique, du micro. C'était quelqu'un qui mimait l'orgasme en permanence sur scène. Enfin, il y avait des espèces de montées comme ça. Oui, tout à fait, parce qu'elle a tout de suite joué le jeu. Elle s'est tout à fait identifiée au personnage qu'on attendait d'elle. Elle a fait ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Bon, maintenant, elle dit que, quand on lui pose la question, elle dit qu'elle recommencerait surtout jamais ça pour rien au monde. Mais je pense qu'à l'époque, elle y prenait un très grand plaisir et qu'elle jouait ce rôle avec une assurance absolument magnifique. C'était sur la scène, c'était quelque chose d'extraordinaire à voir et qui correspondait tout à fait à une certaine prise de conscience d'une époque où on parlait de beaucoup de révolutions sexuelles d'une manière qui aujourd'hui nous paraît un petit peu dépassée, qui n'était peut-être pas une révolution sexuelle pour tout le monde. Et c'est ce que veut dire Tina Turner quand elle dit qu'elle est très contente que ce soit fini et qu'elle ne fera plus jamais ça. Honey, the way you play guitar makes me feel so masochistic. The way you go down low deep into the neck, and I would do anything, and I would do anything. And Patty Hearst, you standing there in front of the Symbionese Liberation Army flag with your legs spread, I was wondering, were you getting it every night from a black revolutionary man and his women, or were you really dead? And now that you are on the run, what goes on in your mind? Your sister, they sit by the window. No, your mama does a sit and cry. And your daddy, well, you know what your daddy said, Patty. You know what your daddy said, Patty? He said, well, 60 days ago, she was such a lovely child. Now here she is with a gun in her hand. Rockeuse en rockeuse, cela n'est pas une image de femme qui se construit, mais bien un pulse riche et contradictoire. Joni Mitchell qui se voulait la fille téméraire de Don Juan. Tina Turner, bombe sexuelle, mais aussi image de la mama noire généreuse. Blondie, la blonde vamp du rock'n'roll, figure de proue du groupe. Et puis la troublante, Patti Smith. Yeah. Patti Smith, c'est plusieurs choses. C'est New York d'abord. C'est le fait qu'elle se revendique d'abord comme un poète avant d'être. Avant même de chanter quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui écrit des poèmes. C'est quelqu'un qui se rattache plus à des gens comme Burroughs, à des gens comme Ginsberg, à toute une tradition un petit peu de la poésie beatnik, la poésie de la Beat Generation. Elle se rattache beaucoup plus à un milieu intellectuel et littéraire que finalement au rock. Bon, le rock l'a influencé aussi, évidemment, parce que c'est aussi une enfant du rock. Et c'est quelqu'un qui a été très impressionné par les Rolling Stones, et notamment, pas par Mick Jagger, mais par Keith Richards, qui est un personnage qui a beaucoup fasciné, évidemment, les amateurs de rock, et particulièrement les filles, enfin, tout au moins les rockeuses d'une certaine période, sont d'une certaine façon beaucoup plus identifiés à quelqu'un comme Keith Richards, à sa façon de marcher, à sa façon d'être, etc. Et c'est quelqu'un qui a compris finalement que c'était important de se rattacher à quelques grands symboles. Par exemple, la façon dont elle se réclame de Rimbaud. On n'a jamais très bien su si Patti Smith avait vraiment lu Rimbaud. Moi, j'inclinerais à croire que pas du tout, ou très peu finalement. Mais je crois que ce qui l'intéressait, c'était plus le personnage de Rimbaud, c'est-à-dire Rimbaud le poète, et puis Rimbaud le voyageur partant en Abyssinie, etc. Je crois que c'est plutôt une manière de se rattacher à un mythe et de se définir par rapport, non pas à la poésie réellement, mais à un personnage de poète. Et bon, ce qui est très intéressant avec Patti Smith, c'est que c'est quelqu'un qui a toute une histoire. Bon, c'est une fille qui a eu un enfant quand elle était très jeune, bon, qui l'a donné à adopter et qui a pas voulu. Bon, qui a refusé la féminité de manière extrêmement violente. Il y a des textes d'elle à l'époque où elle était poète où elle parle de ça. Et c'est tout à fait angoissant. Elle parle de ce genre d'expérience. Il y a une espèce d'horreur de la féminité. Ce qui est intéressant avec Patti Smith, c'est qu'elle a fait tout un chemin après coup. Bon, elle a été très heureuse d'avoir un autre enfant, donc c'est tout à fait autre chose. On peut dire que maintenant, les filles du rock ont des enfants, alors qu'à une époque, c'était tout à fait absolument inimaginable. Mais il me semble que ce qu'elle a apporté peut-être de marquant, et c'est ce que vous soulignez, c'est que c'est peut-être la première qui, à l'exemple de certains rockers masculins comme Jagger, comme Lou Reed, comme Alice Cooper, qui ont revendiqué leur ambiguïté sexuelle, qui tout ont à fait. C'est la première qui, elle aussi, va revendiquer. Elle est totalement androgyne, mais elle réclame ce côté, elle se réclame de ce côté androgyne. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est presque disons qu'il y a une espèce de double jeu, c'est-à-dire que elle s'identifie à un garçon qui s'identifie à une fille. Je veux dire, il y a une espèce de double jeu de miroir sur la façon, cette espèce d'ambiguïté sexuelle, elle est double en fait. Et elle aura toujours ce côté totalement ambiguïté, calculé, et ça se traduit par sa façon de s'habiller sur la scène, bon, de reprendre tout le côté stéréotypé un peu du look rock, c'est-à-dire le blouson perfecto, le pantalon noir étroit, c'est-à-dire c'est une façon, bon, par exemple, elle ne portera jamais des mini-jupes, elle ne portera pas, comme à la même époque, par exemple, des Harry, qui elle revendique un certain côté sexy, elle portera pas certains vêtements. Elle sera toujours extrêmement soucieuse aussi de son image, de la façon dont elle apparaît. Musicalement, on peut pas dire que ce soit très original, mais ce qui est d'original, c'est la voix, le chant, c'est ce qu'elle dit, c'est la façon dont elle articule, c'est cette espèce de voix écorchée qui n'a rien à voir non plus avec le cri de chatte écorchée de quelqu'un comme Joplin, par exemple. C'est une espèce de force, de violence, de tension, mais concentrée, c'est-à-dire pas exhalée de manière extrêmement, comment on peut dire, extrovertie, comme ça. C'est quelque chose de très contrôlé. I was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly the mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling. He's been surrounded by horses, horses, horses, horses, coming in all directions, white, shining, silver, studs with their nose in flames. He saw horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses. Smith, arrive la vague punk, puis la cold wave, née de la froideur des grandes cités. Apparaissent alors des rockeuses comme Siouxsie Sioux, qui va elle aussi refuser les séductions de la féminité traditionnelle, mais célébrant le monstrueux, la mutilation et les maquillages violents. Cela sera aussi l'époque des All Girls Band, groupe composé exclusivement de filles, dont les plus mémorables seront les Slits, traduire les Fentes. Et oui, cette fois-ci, vraiment, les temps ont changé. Mais celle qui marquera sans doute l'installation définitive des femmes dans le rock'n'roll, c'est Chrissy Hynde et ses Pretenders. I like the way you cross the street, cause you're precious. Moving through the Cleveland heat, how precious. You're taking lines and all the kicks are so precious. But you know I was shitting bricks, cause I ain't precious. Chrissy, c'est une Américaine qui est venue vivre à Londres, où elle s'est mise à écrire sur le rock. Elle a un côté très américain dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, etc. Qui était à l'époque d'ailleurs tout à fait en décalage avec la scène rock anglaise où on est très attentif au look, etc. Chrissy, c'est quelqu'un qui voit plutôt la réalité des choses et leur authenticité. Voilà. C'est quelqu'un qui a besoin de cette authenticité et je pense que c'est ce qu'elle a cherché le plus dans sa démarche. C'est la première fille qui soit vraiment un vrai leader, peut-être. Elle le prouve d'ailleurs maintenant dans une période qui est un peu bizarre Je crois qu'elle est dans une période un peu instable et compliquée de sa vie musicale où elle ne sait plus très bien où elle va, alors ce qui fait qu'elle passe son temps à changer. Elle prend des musiciens et puis elle les vire et puis elle les reprend, elle les revient. Enfin, c'est très bizarre, on ne sait plus très bien où elle en est. Mais ce qu'elle a tout à fait extraordinaire, c'est qu'elle a créé des chansons vraiment fantastiques. Elle écrit des très très belles chansons. Et les premiers disques qu'elle a fait, comme Stop Your Sobbing, par exemple, qui sont inspirés, on peut dire, de gens qu'elle a aimés, comme les Kings, comme un petit peu les Stones, comme... je crois qu'elle a fait quelques-uns des classiques du rock, qu'on réécoutera peut-être dans de nombreuses années. Si on suit toute cette histoire, on a vu qu'il y avait des grands moments, des tendances, des moments où on s'affirmait plus ou moins de telle façon, même s'il y a toujours eu des individualités qui échappaient à la tendance générale, ce qui est toujours le cas. Mais là, on arrive à un moment où finalement chacun fait ce qui lui plaît, où on a des rockeuses qui continuent à poursuivre leur trajectoire, comme par exemple justement Chrissy Hynde qui continue, après avoir eu deux enfants, qui continue à tourner et à faire des tournées rock. On a des filles qui écrivent de très très belles chansons, comme par exemple quelqu'un comme Cyndi Lauper, qui est un personnage un peu discutable avec ce côté un petit peu fofolle, trashy, qu'elle a visiblement endossé plus pour le côté médiatique de la chose. Mais quand même, quand on l'écoute, il y a des choses très très belles dans ce qu'elle fait. Et puis on a des créatures absolument à la fois effrayantes, parce qu'elles révèlent des tas de choses terribles sur l'Amérique et puis sur nous aussi d'ailleurs, puisqu'elle a beaucoup de succès ici aussi. C'est quelqu'un comme Madonna. Je pense que les grands groupes de rock et les grandes personnalités du rock sont des gens qui ont projeté quelque chose de très fort. Bon, comme tous ces personnages dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est en fait incarner un personnage sur cette espèce de grand théâtre du rock. Et par exemple, quelqu'un qui est arrivé et apparemment sans effort, parce qu'elle représente réellement quelque chose, c'est Catherine Ringer, qui est extrêmement intéressante, parce que je pense que c'est la première fois qu'on a quelqu'un en France qui est complètement rock et qui en même temps est complètement française et parisienne. Elle est complètement rock parce qu'elle sort de là, parce que c'est sa musique, parce que c'est son milieu culturel et intellectuel. Peut-être que c'est simplement une question de... une musique qui a besoin de plusieurs générations pour susciter des gens. Peut-être que maintenant on va arriver à une autre génération. Qui sait ? En 1960, Janis Joplin disait « Quand les femmes chantent, elles sortent tout ce qu'elles ont à l'intérieur, parce que pour être dans la musique, il a fallu qu'elles abandonnent tout. Qu'elles renoncent à la vie de famille, à un homme, à des amis. On renonce à peu près à tout au monde, excepté la musique. C'est la seule chose qui vous tienne. » Entre cette douleur de Janis et la sérénité douce de Corinne Marienneau, il y a toute l'histoire des femmes dans le rock'n'roll, de la douleur au plaisir. Il aura fallu que, comme les Hendrix, les Morrison, les Brian Jones, certaines y brûlent leur vie. C'était sans doute le prix à payer pour devenir leurs égales. Le prix à payer pour que les portes du rock'n'roll leur soient enfin grandes ouvertes. C'était Roqueuse avec Marjorie Alessandrini et Corinne Marieno dans un numéro de Opus proposé par Jeanne-Martine Vacher, diffusé la première fois le 29 avril 1988 sur France Culture. Réalisation Michel Parolet. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.